Un rendez-vous conjoint des représentants des partis politiques progressistes et formations d'amitié de l'Europe du Nord s'est tenu le 14 en Suède, à Stockholm, pour féliciter le maréchal Kim Jong-un, élu au poste de président du Parti Travail de Corée. Dans la salle était exposé un tableau de peinture du président Kim Il-sung et du général Kim Jong-il. Y ont pris part les personnalités et membres des partis politiques, des organisations d'études des études justiées et des formations d'amitié et de solidarité avec le peuple coréen des pays de l'Europe du Nord, notamment Suède, Finlande et Danemark, ainsi que le chargé d'affaires par intérim coréen et ses collaborateurs en Suède. Les participants ont tout d'abord fleuri et rendu hommage devant le tableau de peinture du président Kim Il-sung et du général Kim Jong-il et adopté un message de félicitations à l'adresse du maréchal Kim Jong-un. Ils ont finalement adopté une déclaration félicitant chaleureusement le maréchal élu président du Parti Travail de Corée au nom de la volonté et du vœu unanime de tous les militants du parti, des militaires et civils, au 7e congrès du parti.